les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Quoi que l'on apprenne sur les loups, il sera difficile de se détacher d'une terreur à leur égard. Lecture d'enfance, peut-être. Les loups, croqueurs de petits chaperons rouges. Les loups au regard jaune, cruel. Le 3 juin 1975, Nicolas Trotsky proposait une série intitulée « Mes amis, les loups ». En voici le premier volet, la notion de territoire chez les animaux. Harley Mowat, biologiste et zoologue, a été chargé par les autorités canadiennes d'étudier le comportement des loups sur la base d'une première enquête en vue de leur destruction. Ces animaux passent en effet pour être sanguinaires, prédateurs et tueurs de caribous dont vivent les trappeurs. Harley Mowat, transporté par avion dans le nord canadien, y a été laissé seul avec tout son matériel scientifique. Il n'a pour voisins que deux Esquimaux, Mike et Ootek. Ils vont l'aider à découvrir que les loups sont tout différents de la réputation qui leur est faite. Dans cette quête de la vérité, vous suivrez Harley Mowat incarné par Michel Galabru. Le récit, tendre et ironique, tiré du livre « Mes amis les loups », publié par Artaud, sera ensuite commenté par le professeur Rémi Chauvin, qui élargit le débat et fait mieux comprendre les subtiles particularités du comportement animal en général. Je mis ma résolution en pratique avec la conscience que l'on me connaît. J'allais délibérément au-devant des loups. Pour commencer, je m'installai une tanière à moi, aussi près d'eux que je pensais pouvoir le faire, sans trop déranger leurs habitudes. Après tout, j'étais un étranger et un étranger non-loup. Je sentais donc qu'il ne fallait pas aller trop loin, trop vite. Je pris une petite tente et je la plantai sur le rivage de la baie, juste en face de l'escarpement où se trouvait la tanière. Je réduisis mon équipement de camping au minimum indispensable, un réchaud Primus, un faitout, une théière et un sac de couchage. Je ne pris aucune arme et il m'arriva plusieurs fois de le regretter, même fugitivement. Le gros télescope fut monté à l'entrée de la tente de telle façon que je puisse observer la tanière de jour comme de nuit sans avoir besoin de sortir de mon sac de couchage. Au cours des premiers temps de mon séjour chez les loups, je restais à l'intérieur de la tente sauf pour de brèves sorties absolument indispensables et que je n'effectuais que lorsqu'aucun loup n'était en vue. La raison de ce confinement était de permettre aux animaux de s'habituer à la tente et de l'accepter comme une bosse de plus sur un terrain où elle foisonnait. Plus tard, quand la population des moustiques fut en plein délire démographique, je restais sous la tente presque sans interruption, sauf s'il y avait un fort vent. En effet, les bêtes les plus sanguinaires de l'Arctique ne sont pas les loups, mais les insatiables moustiques. Tout à fait par hasard, j'avais planté ma tente à une dizaine de mètres d'un des principaux sentiers utilisés par les loups lorsqu'ils allaient à leur terrain de chasse ou en revenaient. Quelques heures après mon installation, l'un des loups revint d'une course et découvrit ma tante et son hôte. Il venait de passer la nuit entière à un dur travail et il était fatigué, visiblement pressé de rentrer dormir chez lui. Il apparut sur une petite ondulation de terrain à une cinquantaine de mètres de moi, la tête basse, les yeux mi-clos et l'air soucieux. Loin d'être la bête sempiternellement en alerte et soupçonneuse de la fiction, ce loup était si profondément plongé dans ses pensées qu'il vint droit jusqu'à une quinzaine de mètres de moi. Il serait peut-être passé à côté de la tente sans la voir si je n'avais pas fait un bruit énorme en donnant par mégarde un coup de coude dans ma théière. Le loup releva la tête et ouvrit des yeux ronds, mais il ne s'arrêta pas, ne changea pas d'allure. Un long regard en biais fut tout ce qu'il me consacra et il continua sa route. Certes, je voulais passer inaperçu, mais à ce point, j'en ressentis un certain malaise. Néanmoins, pendant la quinzaine qui suivit, un ou deux loups passèrent sur la piste près de ma tente presque chaque nuit et jamais, sauf en une mémorable occasion, ils ne manifestèrent le moindre intérêt pour moi. Durant ce temps, j'avais appris beaucoup de choses sur mes voisins loups et l'un des faits saillants était que, loin d'être des vagabonds nomades, comme on le croit universellement, ils étaient les propriétaires bien établis d'un grand territoire permanent aux frontières bien définies. Le territoire, possession de ma famille de loups, comprenait plus de 100 000 carrés, limité d'un côté par une rivière, mais sans autre frontière naturelle. Il y avait néanmoins des bornes frontières clairement indiquées à la manière des loups. Quiconque a observé un chien faisant sa promenade quotidienne et laissant, pattes levées, sa marque personnelle sur tous les endroits qui lui semblent convenables, peut imaginer la façon dont les loups délimitent leurs propriétés. Une fois par semaine, environ, le clan faisait le tour du territoire familial en rafraîchissant le bornage. Ce souci des droits de propriété était probablement rendu nécessaire par la présence de deux autres familles de loups dont les territoires jouxtaient les nôtres. Mais je n'ai jamais constaté de chicane ni de désaccord entre les propriétaires mitoyens. Je pensais en conséquence qu'il s'agissait là d'une sorte d'activité rituelle. En tout cas, après que je connus la force du sentiment de la propriété chez les loups, je décidai d'utiliser cette connaissance pour les obliger à reconnaître enfin mon existence. Un soir, comme ils étaient partis pour leur habituelle chasse nocturne, je délimitai pour moi un terrain d'environ un hectare dont ma tente marquait le centre et qui coupait le sentier des loups sur une centaine de mètres. Borner le territoire se révéla plus difficile que je ne l'avais pensé de prime abord. Afin de m'assurer que l'on remarque ma propriété, je me vis contraint d'apposer ma signature sur des pierres, des taches de mousse et des bouquets de végétation espacés de 15 mètres au plus sur tout le pourtour de mon domaine. Cela me prit toute la nuit et m'obligea de fréquents retours à la tente pour ingurgiter d'énormes quantités de thé. Mais avant le retour à l'aube, ma tâche était accomplie. Épuisé, vidé littéralement, je me retirai pour observer les résultats. Je n'eus pas longtemps à attendre. À 8h14, comme en fait foi mon journal, le chef de clan apparut sur le monticule derrière moi, trottinant vers son domicile, l'air préoccupé comme d'habitude. Il ne daigna pas regarder la tente, mais lorsqu'il atteignit le point où ma frontière coupait le sentier, il s'arrêta pile, comme s'il avait buté dans un mur invisible. Il n'était qu'à une cinquantaine de mètres de moi et je pus l'observer à la jumelle. Après une minute de totale indécision, il recula de quelques mètres et s'assit sur son derrière. Il me regarda, ainsi que la tante. Ce fut un long regard, plein de réflexion. J'avais atteint mon but, celui de forcer au moins un des loups à reconnaître mon existence. Je commençais maintenant à me demander si, dans mon ignorance, je n'avais pas transgressé quelques lois des loups inconnues de moi et d'une importance telle que je dusse payer cher ma témérité. Je regrettais de plus en plus de n'avoir pas d'armes, à mesure que le regard du loup se faisait plus insistant, plus pensif, plus pesant et plus intense. Je commençais à me sentir nerveux, car je déteste ce genre de match les yeux dans les yeux. J'avais affaire à un maître dont le regard jaune semblait de plus en plus hostile à mesure que je me contraignais à le soutenir. La situation devenait intolérable. Afin de rompre la tension, je me raclai bruyamment la gorge et, durant un dixième de seconde, je tournai le dos pour indiquer au loup que je trouvais son insistance impolie, sinon menaçante. Il parut marquer le coup. Il se leva, renifla ma marque et sembla réfléchir. Brusquement, d'un air décidé, il se détourna de moi et commença un tour systématique du terrain que j'avais borné. À chaque signature, il reniflait deux ou trois fois, puis, soigneusement, il ajouta sa signature à l'extérieur de chaque roche ou buisson. En l'observant, je vis les erreurs où mon ignorance m'avait entraîné. Il signait avec une telle parcimonie qu'il put faire le tour complet sans avoir besoin de remplir le stylo. Cela terminé, il rejoignit le sentier à l'autre extrémité de ma propriété et trottina jusque chez lui en me laissant matière à réflexion, suffisamment pour m'occuper un bon moment. Une fois qu'elle eut été officiellement établie et son existence ratifiée par les loups eux-mêmes, ma petite enclave dans leur territoire resta inviolée. Jamais un loup n'en franchit les limites. À l'occasion, l'un d'eux, en passant, s'arrêtait pour rafraîchir quelques marques aux frontières et pour ne pas être en retard de politesse, j'en faisais autant au mieux de mes possibilités. Et toutes les craintes que j'avais pu concevoir pour ma sécurité personnelle disparurent et je fus libre de me vouer entièrement à l'étude des animaux eux-mêmes. Nous avons vu là le problème du territoire. À quoi ça correspond un territoire pour un animal ? Eh bien, il n'y a pas tellement longtemps que l'on sait, il y a à peine 10 ans, que tous les animaux, depuis les loups jusqu'aux insectes, ont une sorte de territoire, c'est-à-dire un domaine personnel qu'ils connaissent parfaitement, dont ils surveillent jalousement les limites et où généralement un rival s'abstient de pénétrer. D'ailleurs, si par hasard il pénétrait, cela donnerait lieu à une bataille extrêmement dure. Une bataille qu'il aurait toute chance de perdre. En effet, lorsque l'animal n'est pas sur son territoire, on dirait qu'il manque de cœur au combat en quelque sorte et il est très généralement vaincu. Mais enfin, encore une fois, cela se produit très rarement parce que la plupart du temps, vous n'allez pas dans le territoire d'un autre. Ça ne se fait pas chez les animaux sauvages. Ça ne se fait que chez l'homme d'envahir le territoire du voisin, vous savez. Mais ça donne lieu à des combats aussi. Quelquefois, oui, sauf si vous êtes le plus fort. Hein. Chez l'animal, si vous êtes dans un territoire étranger, vous n'êtes pas le plus fort, dans l'immense majorité des cas. Mais à quoi ça peut correspondre psychologiquement ? C'est assez difficile à dire parce que, comme vous le savez, chez l'animal, nous ne connaissons que des comportements. Nous ne savons évidemment pas ce qu'il ressent, ce à quoi correspond exactement le geste du loup qui défend son territoire ou du rouge-gorge, qui est beaucoup plus féroce que le loup, entre parenthèses. Il n'y a pas de bête fauve plus cruelle que le rouge-gorge. C'est une sorte de nécessité, oh, je l'appellerais presque physiologique plutôt que psychologique. L'animal ne peut littéralement pas voir entrer un autre animal de sa propre espèce dans son territoire. Par contre, les animaux d'une autre espèce rentrent comme ils veulent, ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ne surveillent que vis-à-vis des membres de sa propre espèce. Et encore, il faudrait voir, généralement, c'est le mâle qui a un territoire. Les femelles en ont plus rarement un, elles ne le défendent pas toujours aussi bien, et souvent même ne le défendent pas du tout. Très généralement, le mâle qui a un territoire le défend contre l'entrée d'un autre mâle. Quelquefois aussi contre l'entrée d'une femelle quand elle n'est pas dans la phase de reproduction. Et puis, ma foi, quand elle est dans la phase de reproduction, ça s'arrange, n'est-ce pas ? Comme bien vous vous en doutez. Mais est-ce qu'un territoire, ça représente une sorte de réalité pour l'animal qu'il respecte toujours ? D'abord, attention, il y a territoire et territoire. Hein. Chez les oiseaux, par exemple, vous pouvez avoir un territoire de nidification, ou qui est assez étroit en général. Vous pouvez avoir un territoire de chasse, où on va picorer, qui est beaucoup plus grand, et qui ne coïncide pas du tout nécessairement avec le territoire de nidification. Et vous avez même, dans certains cas, un territoire d'accouplement, les animaux allant s'accoupler dans certaines zones bien délimitées. Alors, je crois que le cas le plus extraordinaire, celui qu'il faut signaler avant toute chose, c'est d'abord celui du chevalier combattant, ensuite celui des oiseaux de mer. Le chevalier combattant, c'est un oiseau qui répond à ce nom superbe parce qu'il a des plumes très éclatantes et il se bat en gonflant ses plumes, enfin on dirait un chevalier recouvert d'une armure. C'est une bête de nos pays, il existe en Hollande et en France par exemple. Eh bien, le chevalier combattant a certaines zones qui sont des aires de danse, des territoires de danse. En effet, l'accouplement chez cette bête-là est précédé d'une très longue danse qui peut durer des heures et des heures, tous les mâles s'évertuant à danser devant les femelles qui feignent de ne pas regarder, mais soyez tranquilles, elles regardent, n'est-ce pas ? Et elles choisissent ensuite celui qui danse le mieux. Je vous signale d'ailleurs qu'avec un peu d'habitude, le plus curieux est que l'homme peut deviner quel est le coq que vont choisir les poules. C'est-à-dire qu'on apprécie le coq du même œil que les poules. Nos critères sont à peu près les mêmes. C'est assez singulier quand même. Eh bien, ces territoires sont généralement circulaires. Et ils sont débarrassés des pierrailles et des herbes ou des petits buissons les moins gros par les oiseaux. Et comme c'est en général rond, les bonnes gens appelaient ça jadis les ronds de sorcières, ce qui montre très clairement que les hommes de la campagne ne sont pas observateurs comme on l'aurait cru, car ils auraient dû savoir que ces ronds-là, c'était les oiseaux qui les faisaient. Il faut savoir que ces territoires de danse sont pour ainsi dire, je cherche un adjectif, je dirais presque sacrés. Pour éclairer la raison pour laquelle j'emploie un mot pareil, sachez qu'en Hollande, à un endroit dont j'ai oublié le nom, on fabriqua un jour une autoroute qui traversait la zone où dansaient les chevaliers combattants. Ils continuèrent, les mâles continuèrent à danser entre les roues des voitures jusqu'à ce que le dernier soit écrasé. Naturellement, les chevaliers combattants disparurent de la zone. Or, il y avait à quelques mètres la forêt où ils pouvaient facilement aménager une autre piste de danse. D'autre part, l'autoroute, une fois aménagée, bouleversait tout de même quelque peu l'aspect du coin. Eh bien, cependant, c'était là qu'il fallait danser et nulle part ailleurs. Je dis, c'est un territoire absolument sacré et rituel. On ne peut se reproduire que là. C'est assez étonnant quand même, n'est-ce pas ? C'est assez étonnant parce qu'on ne voit pas la raison, même la raison évolutive ou physiologique de la chose, n'est-ce pas ? Si quoi que ce soit, si un cataclysme naturel, par exemple, détruit le territoire, qu'est-ce que vont faire les oiseaux ? Une rigidité pareille est étonnante. Alors, il y a un autre cas qu'il faut citer, qui est absolument banal, tellement banal et il crevait tellement les yeux qu'on ne l'a pas vu, c'est l'histoire des oiseaux de mer. Les oiseaux de mer, en effet, se reproduisent, nidifient, pondent, s'accouplent dans des endroits strictement délimités. Et sur les côtes d'Angleterre, on a observé que certains de ces rochers où ils se reproduisent portaient des noms qui n'étaient pas des noms anglais, c'était des noms danois. Et ça voulait dire, comme par hasard, le roc aux mouettes. Ce qui voulait dire que les mouettes qui étaient toujours là étaient là depuis bien plus de 1000 ans, quand, parce que les Danois ont quitté l'Angleterre voilà déjà un certain nombre de siècles, n'est-ce pas ? Et alors, ces mouettes, ou ces goélands, parce qu'il n'y a pas que les mouettes ni les goélands, il y a beaucoup d'autres espèces, ne se reproduisent rigoureusement que là. En dehors de l'emplacement sacré, mot que j'emploie cette fois-ci avec intention, il y a, à quelques mètres, un rocher, bah, il est exactement pareil, au moins pour des yeux humains, à l'autre rocher sur lequel les mouettes s'accouplent. Et bien sûr, ce rocher attendent de jeunes couples, et qui sont à maturité sexuelle. Qu'est-ce qui les empêche de nidifier? À quelques mètres, vous admettrez bien que le biotope est tout de même le même. Eh bien, pas du tout. Ils attendent que la maladie, ou un prédateur, ou un accident, ait tué les occupants d'un nid, sur le rocher où tout le monde le nidifie. À ce moment-là, il y a une course effrénée des jeunes mâles, des jeunes femelles, vers l'emplacement libre. Le premier, ou les deux premiers qui y arrivent, s'accouplent aussitôt et commencent tout de suite à pondre et à élever leurs petits, ce qui est quand même ahurissant. Alors ça, je crois que c'est des exemples de territoires absolument rigides. Et pourquoi ce territoire est-il si important? Ça, je serais bien capable de vous le dire. Mais est-ce qu'un territoire correspond aussi à une zone de chasse, par exemple? Ah oui, spécialement justement chez les animaux chasseurs, n'est-ce pas, bien entendu. Et il peut être extrêmement vaste, par exemple chez le lion, et très jalousement défendu. Un lion mâle surtout, ne s'aventure pas tellement sur le territoire d'un autre lion, mais il a plusieurs dizaines de kilomètres. C'est extrêmement grand, n'est-ce pas? Alors ça ne peut pas être surveillé, bien entendu, comme le territoire d'un rouge-gorge. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'un lion, on le trouve toujours à peu près au même endroit, n'est-ce pas? Le cas du loup, en fait. Là. Ah, c'est le cas du loup. C'est le cas du loup. Je ne crois pas qu'une bande de loups interfère facilement sur le territoire d'une autre bande de loups, bien que leurs expéditions de chasse soient quelquefois assez longues et portent sur des kilomètres. Et chez les insectes? Et bien entendu. Chez le grillon, par exemple, que nous étudions en ce moment au laboratoire, chez le grillon des champs, non pas le grillon domestique, mais celui des champs, chaque mâle fait un terrier dont les abords sont soigneusement balayés et qu'il défend jalousement contre l'approche de tout autre mâle. Et il est extrêmement combatif, n'est-ce pas? Les Chinois le savaient puisqu'il avait sélectionné des races de grillons de combat. Et les mandarins pariaient là-dessus comme on parie sur les coqs de combat dans le nord de la France. Est-ce que d'autres animaux, du type par exemple des animaux sociaux, enfin je veux dire des insectes sociaux, ont un territoire? Je ne sais pas, les fourmis, les termites. Ah, ça c'est assez compliqué. Ça a été étudié chez les fourmis. Ça dépend beaucoup des espèces. On peut dire que oui, tout de même qu'une fourmilière a un territoire. Mais très souvent, ce territoire qui peut avoir 100 ou 200 mètres de rayon s'entremêle de la manière la plus bizarre avec le territoire des autres colonies. Et on peut se rendre compte, en administrant à une fourmilière des isotopes radioactifs, que nous avons fait pas loin d'ici d'ailleurs, qu'il y a des échanges des fourmilières voisines, si bien que le territoire n'est pas absolu. Et il y a même un exemple encore bien plus singulier chez les fourmis, c'est ce qu'on appelle la fédération. Deux fois dans l'histoire, je ne connais hier que ces deux cas, ont été observées des concentrations fantastiques de fourmilières, des grosses fourmilières qui font des dômes de brindilles, vous savez. Et il y en avait jusqu'à 150 sur 2 hectares, ce qui veut dire qu'elles étaient à 2 ou 3 mètres l'une de l'autre. Et alors, les fourmilières étaient unies et avaient, semble-t-il, un territoire commun et très vaste. Elles étaient d'ailleurs extrêmement agressives. Alors, dans ce cas-là, le territoire n'est donc pas absolu, il peut se confluer jusqu'à former une vraie confédération. Je crois bien que ça, c'est unique, que ça n'existe que chez les fourmis. Mais est-ce qu'il n'existe pas, en fin de compte, dans un groupe d'individus, une sorte de bulles, si on peut dire, de zones qui correspondent à ce qui est leur protection et là où ils se sentent bien? Oui, c'est ce qu'on appelle la distance de fuite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsqu'un animal se déplace, il peut ne pas être dans son territoire ou en être à courte distance, il ne vous laissera pas approcher au-delà d'une certaine distance. Vous voyez très bien qu'un chat qui ne veut pas être attrapé, c'est extrêmement visible, vous pouvez avancer, il va rompre le contact dès que vous serez à quelques mètres, puis s'arrêter ensuite. Et si vous avancez encore, il va fuir à nouveau, n'est-ce pas? Alors, chaque animal a une distance de fuite qui lui est tout à fait caractéristique. C'est une zone de protection qui se déplace avec l'individu, en quelque sorte, n'est-ce pas? Quand il est en chasse, quand il est en déplacement, il ne laissera personne approcher en deçà d'une certaine distance. C'est un territoire portatif, si vous voulez. Et l'histoire du territoire des troupeaux, des animaux vivant collectivement, a été, dans le fond, beaucoup moins étudiée, beaucoup moins bien compris que le territoire de l'individu. Tout ce qu'on sait, c'est dans le cas des territoires des bandes de cerfs, qui sont d'ailleurs des bandes de biches, parce que les bandes sont formées à peu près uniquement de jeunes mâles immatures et de jeunes femelles conduits par une vieille biche. Eh bien, ils ont un territoire d'été et un territoire d'hiver, qui est séparé quelquefois par quelques dizaines de kilomètres. et réunis par des sentiers, qui toujours les mêmes, que suivent les biches pour passer de l'un à l'autre, et que les chasseurs connaissent très bien. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais quel est exactement le territoire d'une bande? Je m'aperçois que dans le fond, c'est beaucoup moins bien connu que lorsqu'on s'adresse à l'animal isolé, voyez-vous. Lorsque les animaux veulent marquer un territoire, ils utilisent un certain nombre de procédés. Ah oui, c'est tout à fait particulier, parce que le territoire, il est spécialisé, n'est-ce pas? Par exemple, dans n'importe quel territoire de mammifères, c'est surtout là-dedans où on a des études précises, dans le territoire, il y a une zone où on défèque. Il y a une zone où on se gratte, un vieil arbre toujours le même, hein, au même endroit. Il y a une zone où on dort. Il y a un parcours dans le territoire qui est généralement tout à fait fixe. Quand le territoire est vaste, il est facile de voir que l'animal suit toujours le même sentier. Et que par conséquent, entre les sentiers, il y a des espaces assez grands où il ne va pour ainsi dire jamais. Et alors, les marques odorantes qui sont très généralement des excréments et aussi de l'urine, sont déposés rituellement et presque toujours aux mêmes endroits. Mais il existe aussi des animaux qui marquent leur territoire au moyen de glandes. Très souvent, spécialement chez les mammifères d'ailleurs. Alors, certaines de ces glandes sont placées très bizarrement, comme chez les cervidés, par exemple chez les biches et les cerfs, il y a une espèce de glande auprès de l'œil. Alors l'animal frotte la partie adjacente voisine de son œil contre une branche et il laisse une odeur tout à fait marquée. Et chez l'ours, par contre, ce serait plutôt sur le dos qu'il y aurait des glandes sudoripares ou des glandes sébacées particulières avec lesquelles il frotte des arbres ou des rochers. Il y a même parfois des faits qu'on ne comprend pas. Et mon excellent maître Grasset me l'a rappelé une fois, ça m'a beaucoup frappé, il y a bien des années. Nous parlions des antilopes dont le pied est conformé pour la course, n'est-ce pas ? Et il me disait, oui, il est conformé pour la course, mais il existe tout de même, chez certaines espèces, et même chez beaucoup d'espèces, une glande particulière, odorante, qui est sous le pied, et qui marque la trace que va suivre l'antilope. Alors d'un côté, on a une adaptation à la course incontestable, et de l'autre, on a un système de marquage propre à renseigner très bien un prédateur. Et là, on ne comprend vraiment pas bien. Ça veut dire que l'évolution a suivi parfois une voie en zigzag, dirons-nous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile à interpréter. Sur le marquage lui-même, il y a des choses qu'on sait depuis peu de temps et qui sont peut-être assez curieuses à dire, n'est-ce pas ? On croyait que l'animal dominé, qui sentait l'odeur des marques d'un dominant, pouvait le reconnaître et qu'il reculait. C'est pas exact. Le comportement d'un animal devant les traces odorantes d'un autre est plus compliqué que ça. Même si c'est un dominé, il va flairer, chez les chiens par exemple, n'est-ce pas ? Il va flairer, hésiter et pas forcément s'en aller. On a l'impression que le marquage a un rôle d'information sur le nombre de gens qu'il peut y avoir, de gens, enfin d'animaux qu'il peut y avoir, sur leur statut social, etc. Et ça n'est pas tout à fait une illusion de croire ça, parce qu'il paraît que des observateurs entraînés, en sentant des crottes de lapin de garenne, peuvent deviner l'âge de l'animal qui l'a émise, son sexe et même son statut social dans la bande. On explique aussi le rôle du territoire comme une sorte de satisfaction, d'agrément pour le possesseur de ce territoire. Et lorsqu'il est en dehors du territoire, et là, il n'est pas heureux. Alors, c'est entre le jeu de la satisfaction et de l'insatisfaction que serait déterminé en quelque sorte. Vous savez, ce sont des termes non éthologiques, satisfaction, non satisfaction. On ne peut pas savoir s'il est content ou pas. Mais ce qu'on observe, c'est que son comportement diffère beaucoup au point de vue de l'assurance, et l'assurance, ça se manifeste dans la démarche, dans la posture, dans des tas de choses comme cela, n'est-ce pas ? Son assurance est beaucoup moins grande quand il est dans un territoire qui n'est pas le sien, incontestablement. Et c'est peut-être pour ça qu'il va être battu lorsqu'un collègue l'attaque, parce qu'il n'a pas le cœur à la bataille. Est-ce que les hommes ont un territoire ? Je crains bien que oui. Je crains bien que oui. En tout cas, chez les peuplades sauvages, c'est absolument évident qu'une tribu a un territoire et qu'elle punit de mort celui qui en transgresse les limites, tout à fait certain. On ne peut parler chez l'homme que de territoire social, puisque l'homme ne vit que très rarement et exceptionnellement à état isolé. Thank you. C'était « Mes amis les loups », première émission d'une série de 6 par Nicolas Strotsky, qui recevait Rémi Chauvin, professeur à la faculté des sciences de Nancy, la notion du territoire chez les animaux. Texte de Farley Mowat, lu par Michel Galabru, réalisation Colette Chemama, première diffusion sur France Culture le 3 juin 1975. Prochain rendez-vous, la famille chez les animaux. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.